ma joue ravirie, elle est éphémère. Chacun sait que chacun le sent. Pulsion de vie trahie, fièvre passagère, solitude qui se pressent. Souvenir qu'on blottit, calme la colère contre le divin charlatan. Horreur au ralenti, amour funéraire, la vie se met à contre-temps. L'amour qui s'est enfui brise l'équilibre, hyper surfusion. Nucléaire, diversité vibre, dévore l'énergie, effaçant les visions d'hier. C'est l'oubli. Sommeil, silence, apprivoiser l'absence. Sommeil, silence, apprivoiser l'oubli. Partir pied à genoux, amour planétaire. La colombe au bout du fusil, la haine en bandoulière, le cœur vers autrui, redevenir fils de la terre. Sommeil, silence, apprivoiser l'absence.